Le dragon, conjurant la foudre, réduit le dur acier en poudre. Après avoir parcouru quelques mètres dans le parc, j'entends le rythme très allègre et entraînant d'un violon chinois. Je m'en approche rapidement, suivi par Mei. La musicienne, encore une femme, a une quarantaine d'années, corps bien construit, visage séduisant, des yeux brillants. La mélodie est magnifique, pige de tonalités successivement courtes et longues, difficile à jouer mais admirablement exécutée. Quel talent, quelle virtuosité, et cela par une femme d'une apparence modeste. L'exécution finie, les présents applaudissent très chaleureusement. Je m'informe auprès de Mei. Tu connais cette musique? Oui, elle s'intitule La danse du dragon pour conjurer la foudre. La foudre, moi aussi, je veux la conjurer. Demande-lui si elle veut bien jouer encore une fois ce morceau. Il t'a plu? Énormément. Je n'en ai jamais entendu de plus joyeux, plus ardent, plus expressif, plus éclatant. Jamais je n'aurais pensé qu'on puisse tirer de deux simples cordes une telle prouesse sonore. Je voudrais l'entendre de nouveau. Vraiment, cela me ferait tellement plaisir. Mei hésite. Je ne sais pas si la musicienne acceptera. Pourquoi pas? Ce morceau est très difficile à jouer et demande beaucoup d'énergie. Tu as vu, toi aussi, à la fin, la sueur que la femme a essuyée de son front et de son cou. Elle est probablement fatiguée. Mais ce qu'elle nous a offert est tellement beau. Et une vraie artiste, malgré toute sa fatigue, trouve du plaisir à donner du plaisir. Ainsi, nous verrons si nous avons affaire à une authentique artiste. Je jette un regard très amical à la musicienne dragon en lui signifiant d'un pouce levé mon admiration pour l'exécution. Flattée, elle remercie en inclinant légèrement la tête. J'insiste auprès de Mei. Elle a l'air sympathique. Je crois qu'elle acceptera de jouer de nouveau. S'il te plaît, demande-lui donc. Peut-être que tu as raison. J'ai oublié que tu es un étranger. Cela l'encouragera à faire belle figure. Mei s'adresse à la musicienne. Elle accepte. La mélodie repart. Elle atteint un tempo de galop effréné d'un étalon fougueux. Brusquement, mon corps se lance. Il danse, cherchant à suivre de la musique, la cadence. Ce n'est pas Bruno, mais le dragon, soudain réveillé en lui, qui danse. Les spectateurs le regardent avec ahurissement. Wai Bo Jen ! Wai Bo Jen ! Note : étranger, étranger ! S'exclame-t-il. Une femme crie. Quelle performance ! Un autre lui répond. Et il danse sur notre musique ! Quel diable ! Bruno ferme les yeux et il sautille, agitant avec frénésie les bras et les jambes. Immense est ma surprise. Au tréfonds de cet homme, quel mystère caché agit. Il doit être à la mesure des trépidations de son corps, impressionnante, d'une vitalité tout à fait extraordinaire. Voilà, voilà ce qu'il me faut. Donner libre cours au dragon enfoui en moi, et que sa foudre réduise en poussière toute l'amertume qui me consume. Mais comment? Là est toute la question. Suis-je ridicule? Foutaise. Vive le plaisir de mieux vivre. Les notes musicales deviennent frénétiques, mes mouvements aussi. J'ai peur d'exécuter un faux pas et tomber. Ma caboche tourne un peu. Je redouble d'attention et je continue. Ah, des ailes, des ailes, des ailes, pour m'élever, voler au plus haut des cieux. Je tourne sur moi-même en toupie. Des applaudissements éclatent. Bien, bien. Toutes les parties de mon corps frétillent. Mes pieds sautillent, mes bras virevoltent. Oh joie, bonheur, je danse de l'autre côté de la planète, sur une place publique, parmi des inconnus, des Chinois, avec une musique chinoise. Impétueuse, elle se poursuit, entraînant, emballant mon corps. Il tournoie, tournoie, tournoie. Chaleur, sueur, attention à ne pas chuter. Nouveaux applaudissements, plus nombreux, plus chaleureux. Le rythme musical se maintient dans sa folle rapidité, magnifique. Et moi, bien que commençant à être fatigué, mes pieds galopent, fantastique. Suis-je devenu fou? Tant pis, tant mieux. Jamais je n'éprouvais un tel embrasement, une telle excitation, une telle exaltation, un tel enivrement. Ah maman, maman, maman, regarde ton enfant. Voici mon meilleur cadeau pour toi. Ton fils est de nouveau vivant. Et merci à toi aussi, roi. C'est grâce à toi que je danse. J'ouvre les yeux et regarde le ciel. Splendide champ d'étoiles scintillantes. Pour la première fois, depuis tellement longtemps, je t'aime, nuit. Dans l'obscurité, mon étoile reluit. Un petit enfant d'environ 8 ans, très amusé par ma furieuse agitation, éclate de rire. Cette extraordinaire farandole dure plusieurs minutes. Soudain, mes forces diminuent, ma respiration devient haletante, j'ai peur de m'écrouler, mais la musique continue, je poursuis ma farandole. Et puis si je tombe, qu'importe. Assez, va-t'en, disparaît la peur. Début de vertige. Néanmoins, je pirouette, tourbillonne, cette fois-ci sans bondir, en tenant les pieds bien rivés au sol, par manque d'énergie, et pour conserver l'équilibre. Mon cœur tambourine au galop, ses coups retentissent fortement dans ma poitrine et mes tempes. Je suis inondé de sueur ruisselante. Finalement, la musique cesse. Je m'arrête à bout de souffle en évitant l'évanouissement, l'écroulement, applaudissements encore plus enthousiastes, longuement. Ce moment inoubliable, absolument inattendu, incroyable, je l'ai vécu ce soir en me trouvant avec May sur une petite place publique. Nous avions su que la centaine de personnes réunies dans l'endroit étaient des ouvriers immigrés d'une autre région, plus pauvre de Chine, le Hunan, et que ces hommes et femmes avaient l'habitude de se réunir une fois par semaine, le soir, pour jouer la musique de leur province, la déguster et bavarder ensemble. Avec eux, j'ai vécu un splendide rêve, les yeux ouverts. Ah, comme j'aimais danser dans ma jeunesse, me trémousser avec les amis. Brume de larmes, brise de flammes. 5 juin 2017, Canton, hôtel, soir. Retour dans le quartier périphérique de la ville. Je m'adresse successivement à de multiples personnes au sujet de Hua. Après plusieurs tentatives à la vue de sa photo, un homme d'une soixantaine d'années porte une main à ses yeux, brusquement envahi de larmes. Il les retient avec difficulté, mais une goutte plus grosse roule sur sa joue. Elle glisse lentement jusqu'au menton. Bruno et moi, surpris et tendus, fixons l'homme. Il parvient à maîtriser son affliction. Puis, triste à faire pitié, sans être interrogé, il me raconte. J'étais dans la même compagnie artistique où travaillait Hua. Elle avait un caractère particulièrement doux et gai. Un jour, elle disparut sans qu'on sache pourquoi, ni comment, ni où. Alarmé par l'attitude de l'homme et par la pâleur subite de Mei, je veux comprendre immédiatement. Attends, me fait patienter Mei, attends qu'il finisse de parler. Je m'adresse à l'homme. Je vous en prie, continuez. En cette période-là, certains artistes furent tellement maltraités qu'ils moururent ou se suicidèrent. Le chagrin lui bloque la voix. Je patiente, mais la douleur l'écrase. J'attends encore. Déployant un effort pénible, il parvient à balbutier. Malheureusement, j'ai entendu dire que Hua est morte et qu'elle fut probablement enterrée dans un cimetière de Fushun, appelé Longshan Gongmu. Avant que Mei me traduise, son expression devenue brusquement atterrée m'anéantit. Je devine le pire. Je veux néanmoins le savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle reste muette, interdite, comme fulgurée. Oh, malédiction des malédictions, je comprends. Mais je veux l'entendre dire. Mais je t'en prie, parle. Des larmes brillent, gonflent ses yeux, meurtrient son visage. Moi, vidé de toute ma substance, je résiste pour ne pas m'évanouir. Dans mon champ visuel apparaissent de papillons blancs, voltigeant joyeusement. Mes yeux suivent leur vol, longtemps, longtemps. Quelques minutes après, nous marchons sur un trottoir. Bruno, d'une pâleur épouvantable, le regard complètement vide, semble suivre d'un pas lent la voiture funéraire de Hua. Pesante tristesse, cruelle détresse, immense faiblesse. Adieu, ô noblesse. Indifférents, nous passons devant de petits magasins. Sur les pans de murs encadrant leurs seuils, ils proposent à l'attention des clients des masques traditionnels de l'opéra de Pékin, de toutes les formes et couleurs, avec des expressions les unes gaies, d'autres effrayantes. Je pense à la mort. Certes, dès la naissance on peut mourir, tant mieux si on meurt alors. Mais, arriver au printemps ou à l'été de l'existence, et mourir, y a-t-il malheur plus tragique, plus incompréhensible, plus inacceptable? Que l'on meure après avoir accompli de la vie toutes les saisons, du printemps à l'hiver, sans maladie imprévue, soit, c'est dans l'ordre naturel, mais mourir avant. Où donc alors est l'harmonie? Seuls les vieillards sont tranquilles, mission accomplie. Ils peuvent donc quitter ce monde. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à cet âge, pourquoi le naufrage? Et on parle de la bonté de Dieu? Où est-elle quand on meurt avant terme? Que ce soit par l'imperfection de la nature ou par la méchanceté des hommes. Si cette hideuse fin a un auteur suprême, s'il la connaît sans l'empêcher, il faut le licencier pour avoir mal fait son boulot, assurer à ses créatures une existence digne. Que dire d'un père ne sachant pas assurer à ses enfants une vie convenable? Que dire d'un fabricant d'une machine qui se détraque avant terme ou se laisse facilement détraquer par d'autres? Bonté, sagesse, perfection d'un créateur, allons, allons! Notre monde est constitué de tellement d'imperfections, mais attention à ne pas en perdre la raison. Après l'épouvantable information concernant Hua, Mei et moi marchons sur un trottoir, en silence, la tête baissée. Nous arrivons devant l'entrée d'un grand temple bouddhique. Je m'arrête et regarde vers l'intérieur. Une belle cour. Au-delà, une grande porte en bois de couleur verte. Au fond, la salle du temple. Devant elle passent calmement des fidèles, hommes et femmes, tels des ombres dans un beau songe. Très attirant, parce que je suis occidental, parce que sensible et curieux, à cause de mon opprimant effondrement, j'entre dans l'édifice suivi par Mei. Je n'ai jamais marché si lentement, avec un tel recueillement, pas même dans une église. Nous arrivons sur la petite place devant la salle du temple. Elle est plongée dans une semi-obscurité reposante. Les teintes claires des édifices en bois caressent mes yeux. Les verdoyants arbres répandent une ombre protectrice sur le sol. Merci, hasard, de m'avoir porté ici. Apaisante la sérénité des visages, consolant le calme des gens. Ils se déplacent dans un silence éloquent. L'extrême simplicité du lieu est étonnante, prenante, jamais vue nulle part ailleurs. Des hommes et des femmes allument des bâtons d'encens, puis les mettent dans un grand vase rituel. À son intérieur crépitent des flammes. Des cendres se libèrent une longue traînée de fumée dansante, diffusant un doux parfum. Elle monte lentement vers le ciel. Je suis passé de l'autre côté du miroir. Enchantement total. Envie de pleurer, sangloter, me décharger, m'alléger, me libérer, m'envoler comme cette fumée. Je n'ose pas montrer mes larmes. J'observe la suite du rituel. L'âge de la plupart des fidèles va de la trentaine à la soixantaine. Ils se présentent l'un après l'autre devant une statue dorée d'un Bouddha, grandeur nature, à demi nu, ventru et souriant. Oui, souriant et joliment, comme un bon ami. Pas nos statues de saints, soit grimaçant de douleur, soit le regard menaçant. Merci de sourire, mon ami, et pour ton gros ventre offert à ma vue, tu me plais, tu me calmes. Près de cet ami se tient debout un jeune bonze. Il a toute l'apparence d'être originaire de la campagne, un simple paysan. Je cherche son regard. Il est attendrissant. Et sa tête, légèrement penchée sur le côté, je la sens comme un très gentil accueil, une amicale invitation à communiquer ensemble. Le sourire semble identique à celui du Bouddha. En tenant dans leurs mains une poignée de bâtons d'encens allumés, les fidèles s'agenouillent l'un après l'autre au pied de la statue du Bouddha. Ils inclinent plusieurs fois le thorax en signe de respect, en restant l'échine courbée. Au doux timbre d'une petite cloche actionnée par le bonze, le fidèle se relève et s'éloigne à reculons, s'inclinant lentement trois fois, en signe de salut respectueux. C'est la première fois que j'assiste à ce genre de cérémonie. Je prends conscience d'un fait singulier. Durant tout ce voyage en Chine, le mot qui se présente le plus souvent à mon esprit est « simplicité ». Provient-elle de la culture des personnes d'ici? Est-ce par chance que je rencontre uniquement des gens simples? Dans mon pays, jusqu'aux années 1960, avant le boom économique, les gens étaient également simples. Est-ce le fait d'avoir connu la pauvreté et survécu à une épouvantable guerre qui explique la modestie d'alors? De même maintenant, ici, en Chine, est-ce le même fait d'avoir souffert la pauvreté et survécu à des guerres atroces qui explique le même comportement des gens? Combien de temps une telle simplicité durera face au boom économique actuel de la Chine? De nouveau, je regarde la statue du Bouddha. Elle m'impressionne beaucoup. J'apprécie le torse nu, le corps bedonnant, tout à fait ordinaire. Rien de l'imposant, majestueux et écrasant aspect des prophètes et saints dominant nos églises. J'admire et je suis touché par le dépouillement du Bouddha. Pieds nus, un morceau ordinaire d'étoffe sur le bas-ventre, aucun misérabilisme tendant à provoquer une compassion manipulatrice. Encore une fois, son sourire m'attire. Si accueillant. Et les yeux. Rien du regard tout puissant et intimidant, mais celui d'un bon copain, disponible et bienveillant. C'est ainsi que j'aimerais voir les figures des humains et des divinités. Une pulsion irrésistible me pousse. Je m'approche tout près de la statue du sage. À côté de lui, le bonze me regarde avec calme. Puis m'offre une poignée de bâtons d'encens. Je les prends, imitant le geste d'un fidèle que je ne suis pas. Le bonze allume les bâtonnets. Alors, profondément ému, je m'agenouille. À ma totale surprise, oui, je m'agenouille. Ou plus exactement, quelque chose en moi s'agenouille. Je baisse légèrement la tête en signe de respectueuse amitié, sans incliner le thorax, et je me recueille. Soudainement, vide mon cerveau, libre, léger, infini, plus rien n'existe, suave vacuité. au son de la clochette touchée par le bronze, je reviens à moi, à la réalité. Je me relève, m'éloigne lentement, très lentement, à regret, mais soulagé